côté connaît depuis peuple à la donne Radio Télé Guinée la donne depuis peuple à pas la donne Radio Télé Guinée pas la donne c'est ça que fait depuis Radio Télé Guinée la donne peuple à la donne dans tout département dans tout pays dans toute diaspora tout partout RTG c'est G à oreille tout haïtien. Radio Guinée, c'est grand architecte de l'univers là qui fait avec deux plamènes. Li pour tout haïtien sans distinction. Tout démocrate qui a filé zèle 4 dans l'émission 4 sous table jouette pour vous sur Radio Guinée. Radio Guinée pas fait différence ni préférence. Nous toutes, c'est une seule famille, un seul peuple qui a plité dans le même espace là pour sauvetage pays d'Haïti. Ensemble avec tout l'autre, on nous fait expérience démocratique là. Office National Assurance Vieillesse ONA continue à travailler chaque jour pour améliorer la qualité de service la profil retraité à Cassiré. Toutefois, ONA reconnaît ensemble GFO Sayo, pas qu'à fête sans collaboration tout le monde, et spécialement si la qui te prend engagement la CAIL. Dans ce sens, ONA a profité rappeler tout particulier qui te fait prêt hypothèque ou sinon prêt pour business, yo, passe météo en règle pressé pressé pour ne pas tomber en bas sanction la loi. Pas oublier. L'or prêté et pour remettre dans bon délai, ça permet de continuer à jouer ensemble privilège on a à Bayou. Pendant qu'on a quitté porte l'ouvre et tout, pour citoyens même gens à coup bénéficier tout avantage, produit et service on a. Passez vite dans le bureau on a qui bibre là, vine honorer engagement pour demain, pas trop tard. On a, assurons les jeunes, protégeons les vieux.